C'était pour Laurent et Gilles. Spéciale dédicace à Laurent et Gilles, guitariste et bassiste de Vortex. Un gros belge. Qui a jeté cette merde? Qu'est-ce que c'est? Vive la chimée bleue! Regardez, on est en boîte.